échangeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marc au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait le tout comme sélectionneur de musique, porter un chapeau et des écouteurs. Aujourd'hui, une émission folk, avec un côté surnaturel, et une émission avec un peu d'Halloween après l'Halloween. Oh que si, et nous y allons maintenant. Not so far from where you are, but don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there. Live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Just be what you be. Stare the lonely smile to see you while your time away. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Will you hear what I say? Open up a broken cup, let good listen, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people frown, things that you say. Say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun and the people around you. We'll say everything's been said, and the movement in your brain sends you out into the rain. Thank you. once a lady lived in York. A farmer's son, he courted her. He courted her for 7 long years. At last she proved in child by him. Her knee against a tree, and there she found great misery. She pitched her back against a thorn, and there she had her baby born. ça a commencé comme ça, les échangeurs d'air pour cette semaine. D'abord avec Nick Drake, Things Behind the Sun sur Pink Moon de 1972. Décédé malheureusement beaucoup trop tôt, Nick Drake a 26 ans. Auteur-compositeur, interprète britannique, né à Rangoon en Birmanie, où ses parents étaient, et sa mère faisait de la musique aussi. Piano avec du chant, de très jolis trucs qu'on a mis déjà d'ailleurs ici. Lui-même, c'est quelqu'un de relativement spécial aussi. Bon, il y avait des problèmes de santé mentale, certains, mais une voix absolument fantastique aussi, l'un n'empêchant pas du tout l'autre, et un jeu de guitare extrêmement particulier et fascinant. De toute façon, il est mort à Tranworth in Arden au Royaume-Uni. Il y a eu un revival de ces trucs. Comment dire, les gens ont fini par trouver qu'il manquait de stock et d'une compilation qui avait de l'allure de ses œuvres. Alors, ils se sont intéressés à ça, ce qui les a amenés à s'intéresser à la musique de sa mère aussi. Et on a pu redécouvrir tout ce matériel relativement récemment, quand même. Nick Drake, que je vous conseille fortement. Espers nous faisait Blue Mountain sur The Weed Tree de 2005. Espers sont une assez bonne bande. Ils sont 8 dans le groupe qui viennent de Philadelphie, puis ils font du folk que l'on dit psychédélique. Peut-être. On peut être assez d'accord avec ça. Effectivement, ça rappelle le folk des Britanniques des années 60. Où est-ce qu'il y avait aussi d'excellentes choses. Il y a de plus en plus de jeunes justement qui font du folk et qui reprennent des trucs folk des années passées et des trucs aussi, tout à l'heure on parlait de ça avec Jean-Philippe et Jean-Philippe, oui, qui est vraiment en studio avec moi, de ce qu'on appelle l'anthology folk aussi, des gens qui s'intéressent aux légendes et vraiment l'histoire complète de l'histoire complète de leurs racines du passé, du supernaturel, du surnaturel, pardon, et des trucs de ce genre-là, comme par exemple Cunning Folk, qui nous faisait The Cruel Mother sur Constant Companion. Cunning Folk, justement, ben, les Cunning Folk, c'était des guérisseurs, des devins et tout ça. Lui-même, on dit que c'est une personne, Cunning Folk, qui doit avoir un autre nom que Cunning Folk. Puis lui-même, c'est un folkloriste, mais donc quelqu'un qui est un peu un anthropomusicologue. Il administre le South East London Folklore Society, puis le Bermondsey Folk Festival aussi. Alors, ça fait quelques fois qu'on en met quand même, Connect Folk, on s'est mis à s'intéresser à ces devins. Il y en avait un peu partout, en Scandinavie, en Italie, en Grande-Bretagne, un peu partout. Et nous avons terminé avec Lancoon qui nous faisait Cathy Cruel sur un album qui s'appelle The Livelong Day. Lancoon, c'est un groupe de Dublin. On les compare aux Pogues, que je trouve un peu étrange quand même, mais surtout qu'on dit « A younger, darker Pogues with more astonishing power », alors que c'est plutôt ce qu'on vient de mettre, c'était plutôt relativement lent et plutôt planant, alors je trouve ça un peu drôle comme comparaison, mais il y a peut-être des trucs vraiment punchés qui arrivent. Avant, il s'appelait Lynch, parce que c'est le surnom des deux frères, Yann et Darak Lynch. Mais ils ont décidé d'abandonner ce nom parce que à cause de la référence évidemment à la façon dont on a traité les Noirs aux États-Unis et de la façon dont on continue à traiter les Noirs aux États-Unis selon ce qu'eux disent et selon ce que l'on constate aussi. Puis il y a aussi Cormac McDiarmada et Raddy Pete qui chantent. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On va s'en aller du côté de Sam McLaughlin et Alison Cooper et bien d'autres choses. Thank you.

I don't often see the dead. Certainly no more than anyone else. Because we all see the dead sometimes, don't we? Waiting on a cloud-darkened bench. Or passing by us on a side street. Or fumbling for their keys in the hallway. But there she was, hovering above a log, in a skirt made for walking, in the thin beige windbreaker ubiquitous to 80s England. Her hair showed the first flashes of its graying corona. Her elbows were pinned in impatience, as though holding a saucer and teacup. She didn't move or acknowledge me. I never saw her face. And then she was gone. I can't convince you it happened. I couldn't draw a diagram or map the winds on that particular day, that particular moment. But it did happen. It did. Pendant que joue Bernard Restardi avec son tic-tac nocturne, les échangeurs d'air toujours avec vous jusqu'à 22h. Oui, alors qu'est-ce qu'on a eu? Made in, c'était Sam McLaughlin et Alison Cooper sur un album qui s'appelle Natural Lancashire et Super Natural Lancashire de 2009. Sam McLaughlin, on a beaucoup d'informations sur lui. Il s'appelle aussi Ann Racker. Il a joué dans Sam and the Plants, Low Imp, Néo-Tantric, puis il s'appelle S. McLaughlin, Sam McLaughlin aussi. Il aime beaucoup s'appeler McLaughlin, puis peut-être que c'est son vrai nom finalement, mais c'est difficile de trouver de l'information sur lui, alors à part de savoir qu'il s'appelle S. McLaughlin, Sam A. McLaughlin, ou Sam A. McLaughlin avec un point après le A, c'est pas mal tout ce qu'on peut dire sur lui. Ian Humberstone nous faisait Presently She Appeared With Skin Like Mahogany sur Devon Folklore Tapes volume 1, Two Witches. Lui aussi dans le courant Anthology, c'est ça leur où est-ce qu'il est lui, il est caché quelque part ici, voilà. Lui, c'est un type qui étudie beaucoup le folklore britannique et scandinave. Puis il s'intéresse particulièrement au langage, dont une façon de parler qu'avaient les pêcheurs des îles de Shetland, qui inversaient des mots puis prononçaient des mots à moitié parce que ça portait chance. Semble-t-il. Puis il fait de jolies compositions aussi, en plus de faire des thèses de doctorat sur la façon de parler des pêcheurs des Shetland. Russell Naya nous faisait Russell Naya sur Russell Naya de 2007. Russell Naya, ben, on va retrouver Sharon Krause, qui est une chanteuse, musicienne, puis qui écrit aussi, puis qui a travaillé avec des gens de Esper, qu'on a trouvé dans le bloc précédent aussi. Puis là aussi, on est dans le folk sombre, disons légèrement sombre, avec des sorcières. Il y a des sorcières. C'est n'importe qui, il y a des sorcières quand même. Beautiful, Beautified Junkyard nous faisait Sorceress sur The Invisible World of Beautiful Junkyards de 2018. Eux, ce sont des Portugais. Puis comme tous les Portugais, ils sont influencés par le acid folk anglais, par le tropicalia brésilien, puis par l'électronique aussi, évidemment. Puis eux aussi... en fait, il y a une fille d'Esper, Elena Ebsvall, qui s'est joint à eux en jouant du violoncelle et de la guitare acoustique depuis 2017. Alors, Jean-Philippe réussit à relier tout ce monde-là d'une façon ou d'une autre. Oui, voilà. Sam and the Plants nous faisait In the Scare Shed sur l'album In the Scare Shed de 2009. Alors, Sam and the Plants, c'est Sam McLaughlin, qui s'appelle aussi Sam Hey McLaughlin. Sam Hey avec un point, McLaughlin. Et ensuite, Sam McLaughlin nous faisait Supernatural Lancashire numéro 8, cette fois, avec Alison Cooper aussi, sur Natural Lancashire et Supernatural Lancashire. Et on est passé à The Valerie Project, qui nous faisait Dungeon sur The Valerie Project 2007. Ça, c'est un groupe qui s'est formé avec des gens de Esper aussi pour refaire une musique pour le film de Valerie. Valerie Project, en fait, c'était Valerie and Her Week of Wonders, qui est un film tchèque d'horreur des années 70. Et on a continué avec The Axon Clock, ce que c'est Raven's Lament, sur The Axon Clock de 2011. Lui, il s'appelle autrement que ça. Il s'appelle Boris Kirlich, possiblement. Et c'est un musicien britannique qui s'associe parfois avec Robert B. Henke, qui est un type qui fait de la musique avec l'ordinateur et qui a inventé aussi un système de pour jouer live. Voilà. Et on a terminé avec Justin Hopper et Sharon Krause with the Bilberry Pony qui nous faisait Breath sur Chanctonbury Rings de 2019. C'est assez amusant, le Bilberry Pony. Eux autres aussi sont dans la anthology. C'est le band de studio de Ghostbox Record avec Jim Jupp. Puis, évidemment, ils se joignent à plein de gens comme ça pour faire différents projets, dont, dans ce cas-ci, comment il s'appelait déjà, Justin Hopper et Sharon Krause, qu'on retrouve, Sharon Krause, comme par hasard, avec des gens de avec Elena Ebsvall, par exemple, qu'on a retrouvé dans les Espers. Et oui, c'est comme ça qu'on arrive à construire un bloc qui est cohérent avec beaucoup de Elena Ebsvall, qui est vraiment excellente, d'ailleurs, non? En fait, des projets auxquels elle participe. Et ensuite, on s'en va vers autre chose. Across the up here at night, you can have the whole hill. Street lights haze the distance, and the soil beneath my feet. Here, a peregrine man tries on a wilder county and forgets about his home. Willows struggle for existence, where the streams were constantly taken from their course by the roots of the old trees in the woods, allowing no millstream free course through until the whole of these fine old trees had got their whole water course directed by their own roots into each other's roots in their own devious ways. And so, each time the bad weather conditions came, the dell of the old popular willows was received the whole rainfall and gave the roots of the old popular trees the worst conditions they could not recover from. The result was when the bad storms swept the ground downhill, the whole of the upright branches of the poplars were wrecked and wrenched off as more had suffered. Hold to do any good in holding as against the winds forcing both roots and trunks and branches to give way. The ultimate result was, as stated, the cracking down of the branches and the breaking off of the main trunk, as it had no side branches to help its branches to support the whole tree. This gave the stubble growth of enforcing the trunk low down near the ground to spray out the small side branches and to develop in the trunk the further strength to enlarge the top of the trunk, to enable the heavy branch growth to develop and to give out a large number of spray branches in all directions to keep control of the wind, and also to stop the wind from further to destroy the old trees in its course. The winds followed the well streams and then got the free of the until a heavy old tree trunk guided them out again into the ground, where the rising ground destroyed them by holding face clear of the wind, the night mist. My sex, it wasn't my fault, that's what you said. benefit of the doubt. Now you're looking to cross me out. I gotta be a man. I gotta be a man. I gotta be a man about it. I gotta be a man. I gotta be a man. I gotta be a man about it. Distance to your door, and now you say my word ain't true. To do what I say I'm gonna do. I was there for you. I was there for you. I was there for you throughout it. I was there for you. Hot damn, I was there for you. I was there for you throughout it. So I wanna know, where did I go wrong in my thinking? You'd give your trust to a girl like me. What's the use of trying again when you're only gonna break my heart? Where did I go wrong in my thinking? You'd fall in love with a girl like me. What's the use of trying when I know you're gonna break my heart? Fall in love and I end up blue. It's just the story of what I do. I fall in love and I end up blue. It's just the story of what I do. C'est comme ça que ça se termine. On sait que c'est presque terminé lorsque Alexandre Bélanger est là et qu'on le sent prêt à faire son agression par le son. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer? D'abord, il y a Lynn. Bodoof Songs nous faisait Unseen Forces and How to Use Them sur Abyss Versions de 2019. Bodoof Songs, c'est le nom de scène d'un type de Southampton qui fait de l'électroacoustique et qui s'appelle Matt Sweet. C'est un type ce qu'on retrouve sur sa discographie comme ça, qu'on sent qu'il change de compagnie de disque. Voilà, il était sur Cranky d'abord, ensuite sur Southern Records et Flanzer Records. Voilà, alors on peut dire qu'il change comme ça, mais c'est très bon, c'est chouette, Bodoof Song. Et ensuite, Owen Tromance nous faisait Electric Wessex sur Between Stones de 2019. Encore un truc assez récent. Lui a joué dans le groupe San Lorenzo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Puis, c'est ça, il a fait aussi... un duo avec dans le groupe Delphic Vapors avec Seb Hunter. Alors, pas une tonne de trucs que je connais de lui, finalement, Owen Drummond. À part qu'il vient des West Midlands, en Angleterre. Voilà. Et ensuite, on est passé à Current 93, Let Us Go to the Rose, sur Of Ruin of or Some Blazing Star, de 1994. Tantôt, on était surpris, si on regardait avec qui avaient joué ces gens-là. Bon, il y avait Dave Tibbett, qui avait été rebaptisé Tibbett justement par Genesis Peridge, l'ancien de Troubling Dressel. Alors, ce groupe-là existe depuis 82, puis j'en regardais avec qui ils ont joué, et tout à coup, on se rend compte, Nick Cave, Bjork, et Tiny Tim. Alors, j'étais un peu surpris de voir qu'ils avaient fait des trucs avec Tiny Tim, quand même. Puis, c'est très bon, Current 93. Puis, ils sont encore actifs. Pensons-nous, peut-être. En fait, le dernier truc qu'on a date de... Il y a vraiment un paquet de trucs. Ils ont fait énormément de choses. Le dernier truc, c'est 2018. C'est ça. Alors, peut-être qu'il y a d'autres trucs après, mais somme toute, ils ont l'air encore actifs. Fire, c'était Delphine Dora sur Eidemon des 2018. Delphine Dora, qui pianiste, vocaliste, improvisatrice, compositrice et fondatrice, de l'étiquette Wild Silence. Et en fait, il y a plein de trucs spontanés dans ce qu'elle fait, un peu d'improvisation, puis elle travaille avec aussi beaucoup de monde, dont Héloïse Decazes de Arte. Elle a fait des trucs des folk songs de Luciano Berio. Puis elle travaille aussi avec Mock et Sophie Cooper, enfin avec plein de monde elle aussi. Et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très très bon. En fait, on veut en remettre. On va en remettre. Il faut en remettre prochainement. Mais c'est ça, on cherchait d'où elle venait. Finalement, elle est parisienne, semble-t-il. Et on a terminé avec Edith Frost. What's the Use, sur It's a Game de 2005. Edith Frost, qu'on n'avait pas entendu depuis un petit bout de temps à l'émission. Il me semble que il y a quelques années, on en mettait régulièrement. Et là, tout à coup, elle vient de refaire une apparition. Et c'est vraiment excellent, Edith Frost. Jean-Philippe est un fan depuis fort longtemps. C'est une dame qui décrit sa musique comme Pensive Countrified Psychedelia. Pour ce que ça veut dire, oui, possiblement. Elle vient de San Antonio au Texas, puis elle est passée à Brooklyn depuis 1990, puis ensuite à Chicago, puis elle a travaillé elle aussi avec passablement de monde. Elle a pas une énorme production, finalement, même ce que je voyais, c'est que le dernier truc semble dater de 2005. Est-ce qu'elle a fait d'autres choses depuis ce temps-là? Parce que elle est encore active, semble-t-il, mais je n'ai pas la réponse à cela. Alors, je vais aller voir sur son site à elle, possiblement. Official website. Comme ça. Mais pas longtemps, parce que l'émission est terminée. Ben oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire à ce moment-ci? Ben moi, je pense que l'idéal, c'est de vous dire à la semaine prochaine.